إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا أن الله عز وجل تفرد بالعطاء والرزق وتفضل على عباده بالنعم العظيمة. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وليس إعطاء الدنيا لأحد تدل على محبة الله له وكرامته عليه ومنعها يدل على هوانه عند الله، بل إنه سبحانه وتعالى يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، فهو يرزق جميع خلقه، مسلمهم وكافرهم وبرهم وفاجرهم، بل يرزق الدواب والحيوانات والطيور. فمن أنعم الله عليه بالنعم وفتح عليه باب الرزق والخيرات فذلك لامتحانه أيشكر أم يكفر، أيطيع أم يعصي. قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فالواجب على العباد أن يشكروا الله على نعمه وأن ينسبوها إلى المسبب وهو الله سبحانه وتعالى. Chers musulmans et musulmanes, sachez qu'Allah Azza wa Jal est le seul qui accorde la pourvoyance, et c'est le seul qui comble ses serviteurs de bienfaits immenses. Il dit Azza wa Jal: selon le sens, et tout ce que vous avez comme bienfait provient d'Allah. Et le fait qu'Allah Azza wa Jal accorde une largesse dans cette vie d'ici-bas à une personne n'est pas une preuve d'amour d'Allah envers celle-ci. De même que le fait qu'une personne soit privée dans cette vie d'ici-bas de moyens à sa portée n'est pas une preuve qu'il n'a aucune valeur auprès d'Allah. Car Allah Azza wa Jal accorde cette vie d'ici-bas et les bienfaits de cette vie d'ici-bas à ceux qu'il aime et à ceux qu'il déteste, subhanahu wa ta'ala. Ainsi Allah Azza wa Jal donne la pourvoyance à chacune de ses créatures, qu'elle soit musulmane ou non musulmane, qu'elle soit pieuse ou perverse. Allah Azza wa Jal accorde la pourvoyance à tout être vivant, même aux insectes, aux animaux et aux oiseaux. Ainsi, lorsqu'Allah Azza wa Jal comble un de ses serviteurs d'un bienfait et qu'il lui ouvre les portes de la largesse dans cette vie d'ici-bas, cela est un examen afin de savoir si cette personne va être reconnaissante ou alors va-t-elle être ingrate, si cette personne va obéir à Allah ou bien alors elle va lui désobéir. Il dit Azza wa Jal: nous vous éprouvons par le mal et par le bien. Allah Azza wa Jal éprouve donc en donnant les bienfaits de cette vie d'ici-bas, et il éprouve également en privant d'une partie des biens de cette vie d'ici-bas. Ainsi, nous devons être reconnaissants envers Allah Azza wa Jal vis-à-vis des bienfaits dont il nous a comblés, et nous devons attribuer les bienfaits dont nous jouissons à Allah Azza wa Jal qui en a créé la cause. فإضافة النعم إلى الأسباب من كفر النعم الذي هو من المحرمات المنقصة لتوحيد العبد. قال تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. يخبر عز وجل في هذه الآية الكريمة عن شأن الإنسان وحاله: إلا من أنار الله قلبه بنور الإيمان، أنه إذا أتاه عز وجل عافية وغنى من بعد مرض أو فقر أصابه جحد نعمة ربه عليه، ونسي المنعم المسبب المتفضل سبحانه وتعالى، واستند إلى السبب، فتارة يزعم أنما حصلت له هذه النعمة بكده وكسبه وحوله وقوته، وأخرى يزعم أنه مستحق لها. Ainsi, nous devons attribuer les bienfaits à celui qui nous les a accordés, à savoir Allah Azza wa Jal. Et le fait d'attribuer les bienfaits dont nous jouissons aux causes, cela fait partie et entre dans l'ingratitude du serviteur envers son créateur. Et ceci diminue le tawhid de la personne. Allah Azza wa Jal dit en sourate Fussilat, et si nous lui faisons goûter une miséricorde de notre part après qu'une détresse l'ait touché, il dit certainement cela m'est dû. Il justifie le bienfait dont Allah Azza wa Jalla l'a comblé par le fait qu'il fait partie de ceux qui le méritent. Ainsi, il ne reconnaît pas et n'attribue pas ce bienfait à Allah, mais l'attribue à son statut qui est pour lui, soi-disant, méritoire de ce bienfait. Allah Azza wa Jalla informe donc dans ce verset la situation de l'être humain, sauf bien sûr celui dont Allah Azza wa Jalla a illuminé le cœur par la lumière de la foi. Il parle de cet être humain qui, lorsqu'il est épargné d'un mal, lorsqu'il ressort d'une maladie, eh bien, il est ingrat vis-à-vis du bienfait d'Allah sur lui. Et il oublie celui qui l'a comblé de bienfaits. Il oublie celui qui a fait en sorte que cette cause soit existante et s'en remet uniquement à la cause elle-même. De temps en temps, il prétend que ce bienfait, il l'a obtenu par son travail, par sa force, par son sérieux, et d'autres fois, il prétend tout simplement qu'il mérite ce bienfait amplement. ومن الأمثلة على كفر النعم قول الطالب إذا نجح في الامتحان نجحت بجدي واجتهادي، أو كقول بعض التجار جمعت ثورة مالي بسبب معرفتي بوجوه البيع والشراء، أو قول بعض الموظفين نلت الترقية بجدي وتعبي، أو قول بعض المزارعين إذا طاب ثمره ونادى حصاده إن ذلك بكدي وعملي. والواجب أن يضيف النعم إلى الله فيقول هذا من الله ثم كذا وكذا، فهو سبحانه وتعالى هو الذي تفضل على عباده بتيسير الأسباب لهم، ولو شاء الله لمنع السبب الذي فعله العبد من التأثير فلم يصر شيئا، فهو المنعم عز وجل أولا وآخرا. فهو عز وجل هو الذي أنعم على الطالب بالجد والاجتهاد، وهو عز وجل الذي أنعم على التاجر بمعرفة وجوه البيع والشراء، وهو سبحانه وتعالى الذي أسبغ على الموظف إتقان عمله والنجاح فيه، وهو جل وعلا الذي أنبت الزرع وأقامه وهدى الإنسان إلى معرفة طرق الزراعة وأفضلها وأوقاتها وأنواعها. Et parmi les exemples d'ingratitude envers les bienfaits d'Allah Azza wa Jal, lorsqu'un étudiant qui réussit son examen dit « J'ai réussi mon examen de par mon sérieux et mes efforts », ou lorsque certains commerçants disent « J'ai ramassé une somme importante d'argent grâce à ma connaissance, grâce à ma grande connaissance et à ma maîtrise des façons de vendre et d'acheter », ou le fait que certains salariés disent « J'ai été gradé, je suis monté en grade dans les échelons de mon entreprise grâce à mon sérieux et à mes efforts, ou lorsque certains agriculteurs disent, lorsque les fruits qu'ils récoltent sont de bonne qualité, ils disent, ceci est le fruit de mon effort et de mon travail. Il est obligatoire, chers musulmans et musulmanes, d'attribuer les bienfaits à Allah. Et lorsque que l'on est comblé de bienfaits, de dire que cela provient d'Allah, puis de mon sérieux, etc., etc. Car Allah Azza wa Jal, c'est lui qui a permis à son serviteur de mettre en œuvre les causes qui lui ont permis d'obtenir ce qu'il a obtenu. Et si Allah Azza wa Jal l'avait voulu, il aurait privé ce serviteur d'avoir accompli cette cause, et ainsi, il n'aurait rien obtenu. C'est donc Allah subhanahu wa ta'ala qui comble de bienfaits au début et au final. Ainsi, Allah Azza wa Jal, c'est lui qui a comblé l'étudiant, et c'est lui qui lui a permis d'être sérieux et de produire des efforts. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a permis aux commerçants de connaître les différentes façons d'acheter et de vendre. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a permis à ce salarié d'être sérieux dans son travail et ainsi d'y connaître la réussite. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait pousser les cultures. Et c'est Allah azza wa jal qui a permis à l'être humain de connaître les moyens et les façons de semer la terre, les moments propices pour le faire. ومع هذه النعم والخيرات التي يسرها الله عز وجل وأعطانا إياها يجب على العبد اتجاه النعم أن يشكر ربه المنعم على نعمه العظيمة وذلك بثلاثة أمور أولا أن يشكر ربه بالقلب وشكر القلب الإقرار بأن جميع النعم من الله يعطي ويمنع ويخفض ويرفع لا راد لقضائه ولا مانع لفضله ويكون هذا الإقرار مستقرا في قلبه موقنا به أما النوع الثاني من شكر النعم ذكرها أي ذكر هذه النعم باللسان وذلك بالثناء على الله بها حمدا وشكرا وذكرا أما النوع الثالث من أنواع الشكر الشكر بالجوارح وذلك بالاستعانة بها على طاعة الله سبحانه وعدم استغلالها في المعاصي فنعمة المال من نعم الله التي يجب صرفها في الحلال نفقة وأخذا وعطاء وبيعا وشراء ومن صرف المال الذي أعطاه في الحرام فقد كفر النعمة وعصى المعطي كذلك نعمة الصحة في الأبدان بالاستعانة بها على طاعة الله ومرضاته والتقرب إليه وكذلك سائر النعم تستعمل فيما يرضي الله عز وجل. Et le musulman se doit, malgré qu'Allah Azza wa Jal lui ait facilité les causes, d'être reconnaissant envers les bienfaits d'Allah. Et la reconnaissance envers les bienfaits d'Allah est de trois sortes. La première est la reconnaissance par le cœur, c'est-à-dire de remercier Allah par son cœur, en admettant et en ayant la profonde conviction que l'ensemble des bienfaits proviennent d'Allah. C'est Allah qui donne et c'est Allah qui prive. C'est Allah qui élève et c'est Allah qui rabaisse. Rien ne saurait repousser le décret d'Allah, comme rien ne saurait rejeter les bienfaits dont il voudrait combler son serviteur. La deuxième sorte de reconnaissance est la reconnaissance à travers les membres du corps et la reconnaissance par la langue. C'est-à-dire de remercier Allah, de faire les éloges d'Allah, d'être reconnaissant envers Allah et d'évoquer le nom d'Allah. La troisième forme de reconnaissance est la reconnaissance par les membres du corps, en cédant, en utilisant les membres du corps pour obéir à Allah Azza wa Jal et ne pas les utiliser dans sa désobéissance. Ainsi le bienfait des biens et de l'argent doit être utilisé dans la satisfaction d'Allah Azzawajal. Cet argent doit être dépensé dans le halal. Il doit être pris dans le halal. Et les transactions de vente ou d'achat doivent être également licites. Celui donc qui utilise son argent dans une utilisation illicite a alors été ingrat envers Allah subhanahu wa ta'ala vis-à-vis de ce bienfait dont il a comblé. Et de même pour le bienfait de la santé et d'avoir un corps en bonne santé, d'utiliser ce corps dans l'adoration d'Allah et non pas dans sa désobéissance. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد روى الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الملك الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. قال: فمسحه، أي فمسحه هذا الملك، فذهب عنه قذره، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: أي قال الملك: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو البقر، شك الراوي. فأعطي ناقة عشرا، أي حامل. فقال: أي الملك، بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قذرني الناس به. فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. قال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر أو الإبل، فأعطي بقرة حاملة. وقال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأعمى قال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: أي المال أحب إليك؟ قال: الغنم، فأعطي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا. فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. قال: ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، فقال: رجل مسكين وابن سبيل، قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال، أسألك بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال: الحقوق كثيرة. قال: كأني أعرفك، ألم تكن أبرصا يقذرك الناس، فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال؟ قال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. قال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال: ثم إنه أتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا، فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال: ثم إنه أتى الأعمى في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين وابن سبيل، قد انقطعت بالحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. قال: أسألك بالذي رد عليك بصرك وأعطاك المال شاة أتبلغ بها في سفري؟ فقال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت. فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله عز وجل. قال: أي الملك، أمسك عليك مالك، فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. البخاري مسلم رابورت dans leur صحيح selon أبو هريرة رضي الله عنه qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: il y avait trois personnes parmi les fils d'Israël, un lépreux, un chauve et un aveugle. Allah Azza wa Jalla a voulu les éprouver. Il leur a envoyé un ange. Il s'est rendu chez le lépreux. Il lui a dit: quelle est la chose que tu souhaites le plus? Il a répondu: d'avoir une couleur de peau belle, d'avoir une peau belle, et que parte de moi ce que les gens répugnent. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'ange l'a alors essuyé, et ce dont il se plaignait est parti. Il lui a été donné une belle peau dotée d'une belle couleur. Puis l'ange lui a dit: quel est le bien que tu espères le plus? Il a répondu: un chameau ou une vache, selon le doute du rapporteur. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: il lui a été donné une chamelle qui s'apprêtait à mettre bas. Puis l'ange a dit: qu'Allah t'accorde la bénédiction dans cette chamelle. Puis il s'est rendu chez le chauve et lui a dit: quelle est la chose que tu aimes le plus? Quelle est la chose que tu espères le plus? Il a répondu: d'avoir des beaux cheveux et une belle peau, et que parte de moi ce que les gens répugnent. Il l'a essuyé et est parti de lui ce dont il se plaignait. Il lui a été accordé de beaux cheveux. Puis il lui a été dit: quel est le bien que tu espères le plus? Il a répondu: une vache ou une chamelle, selon le doute du rapporteur. Il lui a été donné une vache qui s'apprêtait à mettre bas. Et l'ange lui a dit: qu'Allah t'accorde la bénédiction dans celle-ci. Puis il s'est rendu chez l'aveugle et lui a dit: quelle est la chose que tu espères le plus? Il a répondu: qu'Allah me rende la vue, que je puisse voir les gens. Il a essuyé et Allah lui a accordé la vue. Puis il lui a demandé: quel est le bien que tu espères le plus? Il a répondu: des ovins. Il lui a été alors donné une brebis qui s'apprêtait à mettre bas. Puis la chamelle, la vache et la brebis ont mis bas jusqu'à ce que soit en la possession du premier une vallée de chameaux, en la possession du deuxième une vallée de vaches, et en possession du troisième une vallée de brebis, de moutons. Puis l'ange s'est rendu chez le lépreux sous l'apparence qu'il avait auparavant. Il lui a dit: je suis un homme pauvre et je suis un voyageur. Je n'ai plus de moyens pour compléter mon voyage. Je n'ai donc point d'issue aujourd'hui si ce n'est Allah puis toi. Je te demande par celui qui t'a accordé une belle peau et une belle couleur de peau, et qui t'a accordé ses biens, je te demande un chameau afin que je puisse terminer mon voyage. L'ancien lépreux lui a dit: les devoirs sont nombreux, c'est-à-dire les dépenses sont nombreuses. Autrement dit, je ne peux te donner de chameau. Puis l'homme a dit: c'est comme si je te connaissais. N'étais-tu pas lépreux? Les gens te répugnaient. N'étais-tu pas pauvre? Puis Allah t'a donné des biens. L'homme a répondu: j'ai obtenu cela par héritage. J'ai obtenu cela par héritage. Et l'homme lui a dit: si tu mens dans ce que tu as dit, alors qu'Allah fasse que tu reviennes à ton état initial. » Puis il s'est rendu chez le chauve, sous l'apparence d'un chauve, et il lui a répondu la même chose que le lépreux. Puis il s'est rendu chez l'aveugle, sous son apparence, et il a dit « Je suis un homme pauvre, je suis en voyage, je n'ai plus de moyens pour compléter mon voyage, et je n'ai d'autre soutien qu'Allah, puis toi. Je te demande, par celui qui t'a rendu la vue et t'a donné tous ses biens, je te demande une brebis par laquelle je m'aiderai pour terminer mon voyage. » L'aveugle lui a alors répondu, « J'étais aveugle moi aussi. Allah m'a rendu la vue. Prends ce que tu veux et délaisse ce que tu veux. Par Allah, je ne te contrarierai pas aujourd'hui de ce que tu prendrais ou de ce que tu délaisserais. » Puis l'homme lui a dit, « Garde tes biens, car vous avez été éprouvé. Allah est satisfait de toi. » Et il est en colère contre tes deux compagnons. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الشاكرين الحامدين. اللهم اجعلنا من الذين يشكرون النعم ظاهرة وباطنة. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.